Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, des gentils robots contre des méchants robots, c'est reparti. 2 ans se sont écoulés depuis que Sam et les Autobots ont sauvé l'humanité contre l'attaque des Decepticons. Ils s'apprêtent désormais à relever le plus grand des défis de son existence, quitter la maison familiale pour entrer à l'université. Malgré ses exploits, seuls les adeptes de la théorie du complot croient qu'une bataille a vraiment eu lieu à Mission City. Mais Sam n'est pas au bout de ses surprises. Faut que je te parle de cette histoire de fac, ok? Je t'emmène pas avec moi. Regardez un peu cet endroit. Je me sens déjà plus intelligente. Tu le sens, toi aussi? Ouais, je sens bien les 40 000 dollars de frais. Salut, Merveille. Je t'ai préparé un kit de relations à distance. J'ai acheté une webcam histoire qu'on puisse chatter H24. Ça va être cool, j'ai trop hâte. J'ai le cerveau qui a complètement disjoncté au milieu du cours. Je vois des symboles. On t'a caché beaucoup de choses, Sam. C'est pas ma guerre. Ça le sera bientôt, j'en ai peur. Ce que je vais te montrer est classé top secret. Ne le dis pas à ma mère. Est-ce que ça ressemble au symbole que t'as vu? Où vous avez eu ça? Des archéologues ont trouvé ces signes inconnus dans des ruines antiques à travers le monde entier. Transformers 2, La Revanche. Un film de Michael Bay, un DVD Paramount.